Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Festival de Cannes. De même que pendant le Tour de France, on voit dans la rue, dans les rues, tous les cyclistes aller plus vite et baisser davantage la tête vers leur guidon, pendant le Festival de Cannes, je crois que tout le monde se sent plus ou moins cinéaste ou cinéphile. Le réalisateur français François Truffaut sur cette grande fête du cinéma qui est devenue le Festival de Cannes au cours des années. Cannes, c'est la croisette, le tapis rouge, la montée des marches, le rendez-vous des stars et des starlettes. Cannes, c'est aussi des coups de gueule et des coups de cœur, des succès et des échecs. Cannes, c'est toute une histoire artistique, mais aussi politique, qu'il vaut la peine de raconter. Vous savez, le Festival de Cannes de 1946, il faut bien le répéter, ça a été un événement considérable pour nous en France. Considérable. Toutes les fenêtres s'ouvraient sur le monde après avoir été enfermées pendant plus de 4 ans. Et quelle fermeture! Alors on allait voir ce qu'était devenu le monde dehors. Vous vous rendez compte, tous ces films d'Hitchcock, les films mexicains, il y avait tout le monde entier entré par la croisette. Le cinéaste René Clément qui raconte le contexte très particulier dans lequel se déroule cette toute première édition du Festival de Cannes en 1946. Pour faire l'histoire de ce grand festival, le chroniqueur cinéma et co-auteur du Dictionnaire du cinéma québécois, Michel Coulombe. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Il naît officiellement, il est créé en 1939, le Festival de Cannes, mais la première édition arrive n'aura quelques années plus tard. N'aura pas lieu. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la guerre, évidemment. Ben, d'abord, le Festival de Cannes est une réponse au Festival de Venise, qui était soutenu par les Allemands et les Italiens, mettez-vous dans le contexte historique. Donc la France, avec les États-Unis, se dit « Tiens, on aura une réponse au Festival de Venise ». Et le festival devait, et tout était prêt, hein, parce que les vedettes étaient parties des États-Unis en bateau pour se rendre donc à Cannes, Cannes qui avait été choisie pour son ensoleillement, son infrastructure hôtelière. Et donc le festival devait commencer le 1er septembre 1939, jour de l'invasion de la Pologne. Ouais. On a tout annulé et reporté le festival donc à 1946. Et ce sera en 1946 la première grande manifestation culturelle de l'après-guerre, d'où l'importance que ça revêt de dire effectivement, maintenant, on reçoit le monde, la France se remet sur pied et il y a célébration du cinéma mondial. Et ça va donc donner ce coup d'envoi réel en 1946. Là-dessus, Robert Favre-Lebret, qui a été directeur du festival de 72 à 84, il nous parle de cette première édition. On imagine, hein, ce que déjà avec René Clément, on l'entend un peu, là, le contexte que ça représente, cette première édition du festival. Extrait donc de cette entrevue diffusée en 1988 à l'émission Palme d'Or. Le premier film que nous avons passé, c'était un film soviétique qui s'appelait, je crois, la bataille de Berlin. Alors bon, la projection commence, au bout de quelques minutes, une coupure. On allume la salle, bon. Alors on reprend, seconde coupure, troisième coupure, quatrième coupure, cinquième coupure, à tel point que la délégation soviétique est partie furieuse, pensant que c'était un boycottage et menaçant de partir, de quitter Cannes. Fort heureusement, le soir, on projetait un film anglais. Et alors, cette présentation assistait la délégation soviétique. Et là, également, l'opérateur s'est trompé de bobine, a mis une bobine à l'envers ou je ne sais quoi. Alors là, ça a rassuré les soviétiques. Je dois dire que ça a été vraiment une très grande fête parce que c'était la retrouvaille de tous les cinéastes qui avaient été séparés pendant 4-5 ans, pas pendant tout le temps de la guerre. Et alors, sur le plan cinématographique, sans doute c'était une des meilleures années parce qu'il y avait vraiment là une série d'œuvres maîtresses dans tous les pays, Italie avec le voleur de bicyclette, la France avec la symphonie pastorale, l'Angleterre avec Brief Encounter, enfin etc etc, n'est-ce pas, c'était vraiment, et puis je vous dis, la joie régnait sur cette manifestation qui vraiment, moi je le vois maintenant, a été la plus splendide, c'est le plus splendide de tous les festivals. Alors, ça commence fort en 46, Michel Coulombe. Si on se fie à ce qu'on vient d'entendre, c'est 46 déjà un bon cru, un grand cru. Et dans l'après-guerre, dans ce contexte de l'après-guerre, l'idée même du festival, c'était de présenter des films qui ne heurtaient pas la sensibilité des autres pays présents à Cannes. C'est donc de la haute diplomatie. Jusqu'au début des années 70, ce sont les ambassades des différents pays qui soumettent les films. Ce qui fait que la délégation soviétique, je reviens à cet extrait, ça existe, là. On est dans les considérations politiques et diplomatiques. On soumet nos films, les pays soumettent leurs films. Il y a ça à Cannes à ce moment-là. Il y a cette tension-là de se dire, ben voilà, ils s'en prennent à nous. Remarquez, il y a un film d'Hitchcock on a présenté plus tard, hein, Les bobines dans le désordre. C'était montage pas pareil. Novateur. Oui, il y en a eu quelques-uns comme ça dans l'histoire du cinéma, dans différents festivals, mais effectivement, les conséquences sont funestes, hein, parce que les gens qui l'ont vu ne le reverront plus de la même façon. Donc il y a ça, parce que les attentes sont énormes, et au début, le Festival de Cannes, ça vaudra jusqu'au début des années 50, à partir de 1946, est en alternance avec la Mostra de Venise. Après, il va établir sa place. Il est d'abord à l'automne et il va passer ensuite en mai pour se distancer aussi de Venise, hein, qui est à la fin de l'été. Donc, on a occupé cette plage-là du mois de mai. Mm-hmm. Le nombre de jours ayant diminué avec le temps, je crois que c'était une quinzaine de jours, maintenant, c'en est 11. Donc, on a un peu bougé. Le festival a évolué et a pris sa place sur le terrain des auteurs. Ouais. Les personnes qu'on met de l'avant, celles dont on dit, voilà, il est ici, elle est là, ce sont les cinéastes d'abord. Bien sûr, il y a des vedettes et il y a tous ces aspects curieux du Festival de Cannes qui cohabitent. D'une part, de fait, les films, et parfois des films pointus, des films graves, des films dérangeants, il y a peu de comédie au Festival de Cannes. À côté de ça, des starlettes qui enlèvent leurs vêtements. Et très vite, Michel, les années 50. Dans les années 50, allez hop, on enlève ses vêtements, on est sur la plage, une meute de photographes se lance des paparazzis sur la jeune vedette en question, un baiser enflammé, il y en a eu, et voilà, on fait la première page de tas de journaux à travers le monde, des célébrités qui défilent, les gens savent gérer leur réputation, leur image au Festival de Cannes. Il faut voir le tapis rouge, c'est réglé, mais comme vraiment de la grande horlogerie. Ouais. Là. Vous avez droit, vous, à 45 secondes, et puis vous arrivez, vous, après tel autre et pas avant tel autre. Par contre, vous avez une conjointe qui est aussi une vedette et puis vous ne vous parlez plus. Alors, on va essayer de vous mettre à tel moment et elle un peu avant ou un peu après. Enfin, vous voyez tout ce balai auquel on doit s'affairer pour organiser le festival, sachant que tout ce monde-là vit dans un luxe incroyable parce que pendant le festival, ces grands hôtels-là, c'est aussi les grands designers, les grands créateurs de bijoux, tout ce monde-là, l'argent coule à flot au Festival de Cannes. Et ça, donc, ça arrive très, très vite, très rapidement, déjà quelques années après 46, dans les années 50, tout ça est déjà là. Vous parliez de cinéma d'auteur, ce que je peux dire qu'il y a, dans les années 60 au fond, c'est la nouvelle vague en France, que là il y a comme un tournant, parce que les années 50 c'est vraiment la paillette, c'est vraiment les célébrités, peut-être un petit peu moins intéressant sur le plan cinématographique, mais avec les années 60, il y a comme un effet nouvelle vague à Cannes. La fin des années 50, le début des années 60, c'est la nouvelle vague et effectivement, le festival va prendre ce train-là, la mettre de l'avant, les 400 coups, cette nouvelle vague, et en faire quelque chose d'important. Ça mènera à une palme d'or pour Claude Lelouch, un homme et une femme, donc qui est dans ce courant-là d'un renouveau du cinéma français. On est tout à fait là-dedans. Et on va être là, près de Bergman, par exemple, déjà dans les années 50, qui n'aura jamais de Palme d'Or, de Fellini, de Rossellini, de toutes les grandes pointures du cinéma mondial. Bien sûr, et c'est un des reproches qui est fait à Cannes, les Italiens, les Français, les Américains sont à l'avant-plan. L'Occident en général, beaucoup plus que la Chine, le Japon, enfin l'Asie en général, l'Océanie. Il y a quand même l'Afrique, il y a des continents un peu ignorés, en tout cas boudés, et certainement sous-représentés par rapport à l'Amérique et particulièrement l'Amérique du Nord et l'Europe. Et particulièrement dans les premières décennies. Ce cinéma d'auteur, cette nouvelle vague qui commence à faire sa place dans la programmation, dans la sélection officielle de Cannes. Et puis arrive ce grand coup de mai 68. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer Bravo. À voir des films pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas Jean-Luc Godard, François Truffaut qu'on entendait dans cet extrait, c'est la crise. Qu'est-ce qui se passe à Cannes en 68? Fallait être bien naïf hein, pour penser que le Festival de Cannes en mai 68 ouais. pouvait se tenir de façon normale. C'était impossible. Les étudiants ont envahi les salles, ont contesté, sont mis à revendiquer bon, l'annulation du festival, une réflexion hein, sur ces institutions dont on ne voulait plus. C'était ça, mai 68, ouais. partout en France. Donc, pourquoi pas là, surtout un truc très officiel comme le Festival de Cannes. Finalement, des cinéastes importants, Carlos Saura, l'Espagne, Miloš Forman, vont retirer leurs films de la compétition et des cinéastes vont littéralement s'accrocher aux rideaux pour pas qu'on les ouvre, pour pas qu'on projette les films. Et donc, on devra convenir que le festival peut pas avoir lieu. Ouais. Ça mènera à une restructuration, à une évolution. Les réalisateurs, puisque là, leur voix a été vraiment mise de l'avant, créeront tout de suite après la quinzaine ouais. des réalisateurs. Il faut dire que le Festival de Cannes, on l'englobe toujours comme une seule chose, mais c'est la sélection officielle avec ses différents aspects qui maintenant sont, par exemple, Un certain regard, la Cinéfondation, la Semaine de la critique, née au début des années 60, et la quinzaine des réalisateurs. Et puis, il y a d'autres mini-sections comme l'Acide, donc un truc français là, qui est un peu en marge du festival, mais donc sélection officielle, quinzaine, Semaine de la critique, ça s'est complexifié. Et ce qui est étonnant, dans notre perspective nord-américaine, pensez au Festival de Montréal, au Festival de Toronto, nous, on a des festivals gourmands. Or, le Festival de Cannes, c'est environ 80 films, mm-hmm. toutes sections confondues. Mm. Et on inclut là-dedans les hommages. Donc, une vingtaine de films en compétition officielle, moins d'une dizaine à la Semaine de la critique. Une autre approche. Oui, c'est beaucoup. On est très sélectif. Ouais. Hein. Ils se présentent presque 1000 films dans la course pour la compétition ouais. officielle et puis ils en choisissent une vingtaine au final. Et puis, à cette révolution, en 1972, vous dites, on est très sélectif. On l'a dit un peu plus tôt dans l'émission. Au début, c'est très, très diplomatique, c'est très officiel. C'est les pays qui, un peu comme à Hollywood pour les films étrangers, c'est les pays qui soumettent leur candidature. Mais en 72, c'est la révolution. Ça sera très important dans l'orientation pendant le festival. C'est le festival qui commence à choisir, à faire sa propre sélection. On établit une direction artistique avec ce que ça suppose de heurts à gauche et à droite, parce que tous les régimes politiques sur la planète ne sont pas du même bois. Alors, par exemple, présenter l'homme de marbre de Andrzej Wajda, c'était pas pour plaire à la Pologne. Il y a des films qu'on a choisis, c'était pas pour plaire à Franco. Même chose pour l'Union soviétique. Vous pouvez bien imaginer que la Chine s'est manifestée à quelques occasions pour dire « Ben voilà, vous présentez tel film, nous, on trouve que c'est antipatriotique, que ça va pas du tout, il est pas passé à travers les mailles de notre censure, vous devriez pas. » L'Iran a aussi fait savoir son mécontentement quand on a présenté un film français, mais sur la question iranienne, Persepolis, il y a quelques années. Donc, parfois, ces questions-là sont abordées très franchement par certains cinéastes et c'est pas pour plaire à tout le monde. Et en fait, Cannes fait ce choix d'accompagner ces mouvements, d'être l'ami bienveillant, au fond, des victimes de ces régimes politiques. Oui, et on ne fait plus ce qu'on a fait dans les années 50. L'Allemagne avait dit, pensant au film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, ne le présentez pas, ce film sur la Shoah heurte notre sensibilité. Ah ben oui, ça, effectivement, les camps de concentration, c'est pas un souvenir agréable pour l'Allemagne. Eh bien, le festival avait retiré le film. Ouais. Là, on ne fait plus ce genre de choses. Le festival se tient debout, effectivement, va vers des sujets difficiles, parfois, au risque de déplaire à certains pays, mais les gens y reviennent parce que c'est le plus important festival de la grande famille cinématographique. L'esprit de Cannes, Michel Coulombe, les controverses nombreuses au festival, la meilleure meilleure manière peut-être d'en parler, c'est d'abord d'entendre cet extrait de la cérémonie de remise des prix en 1987, quand la Palme d'or est remise à Maurice Pialat pour son film « Sous le soleil de Satan ». Eh bien, la Palme d'or, à l'unanimité, à Maurice Pialat pour « Sous le soleil de Satan ». Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Pialat, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler. Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Ça, c'est complètement représentatif, mais c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, Michel Coulombe. Ça en dit beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'esprit de Cannes? D'abord, il faut dire qu'à Cannes, il y a des tas de professionnels. La population de Cannes passe de 70 000 personnes à 210 000 personnes. C'est à peu près ça. Et donc là-dedans, 5 000 journalistes, c'est-à-dire beaucoup de gérants d'estrade. Il faut bien le dire, qui ont leur palme en tête, leur palmarès, qui sont parfois contents, parfois déçus, qui l'expriment. De toute façon, ils sont là pour avoir une opinion. Alors bon, il faut manifester quelque chose, dire qu'on est qu'heureux. Ça peut pas fonctionner. Ouais. Donc, et c'est un festival où les cinéphiles, qui sont pas si nombreux, mais les gens de la profession, de toute nature, des producteurs, des réalisateurs, des distributeurs aiment se manifester. Les crises et les sifflets, c'est fréquent. Mm-hmm. Et parfois, c'est très étonnant. C'est un film qui est un peu tiède, on ne l'a pas aimé, allez hop, on participe à cette... Il y a une enflure, ça fait partie de... À cette vague-là qui se crée subitement, soudainement, sans qu'on comprenne trop quand on est comme nous, comme moi, on se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tout le monde se met à huer ou on applaudit pour dire, ben voilà, celui-là devrait gagner, il est formidable. Donc, il y a ce genre de manifestation. Mais avec le recul, par exemple, pensez à Quentin Tarantino, Pulp Fiction, il a eu le même type de réaction que Sous le soleil de Satan. Ouais. Et des films de réalisateurs très, très connus, La lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex a été, mais laminé complètement. L'an dernier, The Sea of Trees, un film de Gus Van Sant, a été à ce point démoli qu'il n'est jamais sorti. Et certains films sont remontés après le Festival de Cannes parce que les réactions sont fortes, sont vives. Quand ça marche, c'est formidable. Pensez à Mommy de Xavier Dolan. Quand ça marche moins, vous le recevez en pleine gueule. Un tout petit mot sur les femmes à Cannes. On n'a pas, depuis qu'on est ensemble pour cette émission, on a entendu Catherine Deneuve comme actrice dans cet extrait de Pialat. Mais sinon, on n'a pas entendu de femmes. Elles sont, les réalisatrices, c'est peut-être une des failles de Cannes. Elles sont aux abonnés absents, il faut bien le dire. Ouais. Une seule femme a remporté la Palme d'or, c'est Jane Campion pour La leçon de piano, absolument méritée. Et encore, ex aequo, avec un Chinois. Il y a eu, ces récentes années, là, il y a 2 ou 3 ans, une sélection officielle complète sans film de réalisatrice. Là, le festival a été tenu de s'expliquer. Ouais. L'année d'après, ils ont fait un peu attention. Encore cette année, je crois qu'il y a 3 films sur une vingtaine dans la compétition officielle. Il y en a moins, effectivement, dans la grande famille des réalisateurs qu'on voit un peu partout dans les festivals. Mais au point d'en avoir aucune, c'est sûr que si on leur fait pas une place, ben elles vont pas s'en tailler une non plus. Donc le festival est un peu macho, il faut bien dire. Magnifique en tout point, comme sentiment, comme tradition, comme réalisation. Eh bien, écoutez, le Canada, merci beaucoup, sans doute. Merci beaucoup, madame. Magnifique, ça a une dimension extraordinaire. On sent absolument la personnalité du metteur en scène à chaque plan, malgré qu'il y ait soi-disant pas d'intervention. C'est absolument extraordinaire. Mais est-ce que vous croyez que ce film méritait d'être présenté au festival? Ah oui, absolument. C'est dans la tradition de... C'est un film d'auteur. Enfin, c'est un film absolument... Enfin, il l'a composé de bout en bout. Il l'a senti. C'est merveilleux. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci bien. Quelques commentaires recueillis par le journaliste Pierre Nadeau à la sortie de la projection du film de Pierre Perrault Pour la suite du monde en 1963. Pour la suite du monde, c'est le premier long métrage canadien qui est présenté en compétition officielle à Cannes. Et je vous corrige, Pierre Perrault et Michel Brault. Et Michel Brault, oui. Donc, c'est le premier film. Ce sera important pour le Canada. En quelques mots, comment résumer cette histoire du Canada avec Cannes? Alors, comme vous voyez, on a d'abord commencé par le documentaire. C'est un documentaire du cinéma direct qui nous représente. Effectivement, ça a été un courant important du cinéma québécois. Par la suite, c'est vraiment la langue québécoise. Pour prendre la partie canadienne-française, le côté francophone du Canada, c'est vraiment la langue québécoise qui a été notre marque de commerce. Les films de Gilles Carle, de Jean-Pierre Lefebvre, de Denis Arcand, de Jean-Claude Labrecque au début des années 70 étaient régulièrement présentés dans l'une ou l'autre section du festival, mais il y avait pour notre parlure, notre façon de nous exprimer, vraiment une grande appréciation. Hein? Donc ça, c'était très solide. Par la suite, il y a eu un désaveu ou un désamour. Bien sûr, il y a quelques films, par exemple Jean-Claude Lauzon, Léo Lowe a été présenté en compétition, mais on y a été moins présent au fil des années et la direction du festival est allée jusqu'à ce mot malheureux d'exprimer voilà, son sentiment face au cinéma canadien dans son ensemble en disant « Nous, on trouve qu'il y a deux grands cinéastes au Canada, d'ailleurs, ils sont très présents en compétition, Atom Egoyan et David Cronenberg. Pour le reste, pas tant de choses intéressantes. » Quel pied de nez au Québec. Notamment à Denis Arcand, qui, dans les années 2000, a été, lui, qui était avant dans d'autres sections, mais a été, lui, en compétition très présent. L'accueil extraordinaire qu'a reçu Jésus de Montréal et celui qu'a reçu Les Invasions barbares. Avant, le déclin avait été présenté, notamment dans le cas du déclin, c'était à la quinzaine des réalisateurs. Mais oui, il y avait aussi Denis Arcand. Là, il y a un nouveau chouchou canadien, hein, c'est Xavier Dolan, qui a été sélectionné 5 fois au festival, mais 2 fois en compétition officielle, Mommy, et cette année, juste La fin du monde. Ouais. Comment résumer tout ça, Michel Coulombe? 46 première édition, naissance en 39, mais première édition en 46. Comment résumer en quelques mots, en une image, ce qu'a été Cannes et ce que ça continue d'être aujourd'hui? C'est une forme de monstruosité. Hein? C'est-à-dire que, oui, c'est un écrin incroyable pour le cinéma mondial, mais c'est aussi des paillettes. Il y a des gens qui vont voir, on est étonné, on se dit, ils vont voir un film extrêmement grave sur des djihadistes et tout habillés comme ça, ils ont l'air superficiels. Ben oui, ils le sont. Ils montent les marches, des hommes, des femmes, et puis ils repartent aussitôt après, ils voulaient être vus. Donc il y a ce paraître-là qui est extrêmement important. Et puis il y a tout le milieu des affaires, donc de la business cinématographique, le marché est extrêmement important, qui joue un rôle important à Cannes. Donc, ce sont des couloirs parallèles, des cinéphiles hein, qui se battent, mais ils sont pas. Le festival n'est pas conçu pour les cinéphiles. Des journalistes qui cavalent d'une salle à l'autre. L'horaire est complexe pour concilier les conférences de presse, les films à voir absolument et tout. Et puis les gens de la profession qui sont pour l'essentiel au marché, qui finissent par voir un ou deux films qui vont à des galas. Et puis des Cannois qu'on voit surgir dans les rues à des heures improbables, habillés mais vraiment comme c'est pas possible, là, avec des smokings, des robes du soir et tout, à 3 heures de l'après-midi, à 4 heures du matin, à toute heure du jour et de la nuit, parce que les fêtes sont extrêmement nombreuses. Il y a tout ça au Festival de Cannes qui cohabite mystérieusement. Une grande superficialité, beaucoup d'argent, et puis vraiment le meilleur, le Gotha du cinéma mondial. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma, co-auteur du dictionnaire du cinéma québécois. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, Michel. C'était très agréable. Merci beaucoup. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.